limites. Ouais. Tu étais en face, t'avais pas trop l'air de kiffer la zik. Pas dans l'ambiance, je me rappelle tous ces moments. Pour moi, tu serais un peu comme un voyage dans le temps. Dans ton sourire, oui, dans ton regard, c'est un peu comme si j'avais 14 ans. Je sais, c'est bête, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a 10 ans, à crête des brises sur un ballon, ton samus babylon est cachant. Ouais, mais tu vois, ouais, ouais, ça se passe comme ça. Oui, mais oui, ah, ah, ah, non, mais non, oh, oh, oh. 9495, j'étais pas haché, filmé comme tu me vois, gars. J'étais pas non plus au terrain vague de la chapelle. Tout près de moi, tout contre toi, ce slow langoureux nous fait vibrer à deux. Soirée nostalgie, au son de nos mercy. Le Val de Marne, c'est pas fini. J'étais pas à Chiffy dans 80.